L'actualité des sciences, les s'aventuriers. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. Eric, oui. Savez-vous quel jour nous sommes? A priori, le samedi 13 octobre. Oui, ça change. C'est exact. Mais c'est aussi aujourd'hui 13 octobre, le jour de la nuit, organisé par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, l'APCN. Vous le savez, Eric, on ne peut pas observer le ciel à proximité de villes ou de villages éclairés, car la lumière artificielle empêche de voir la voûte étoilée. Oui, et cette lumière artificielle, elle gêne aussi d'autres que les astronomes. Oui, la lumière perturbe aussi la biodiversité. Et j'ai demandé à Jack Falcon, chercheur émérite CNRS en biologie, rattaché au Muséum National d'Histoire Naturelle, ce qu'il pense des éclairages publics nocturnes. Depuis que la vie existe sur Terre, c'est-à-dire quelques milliards d'années, l'éclairage s'est fait de façon naturelle sur Terre, de façon rythmique, avec ses alternances jour-nuit, avec ses variations saisonnières. Maintenant, on s'est mis à éclairer notre environnement. Cet éclairage est croissant. On est en train de perturber des équilibres qui ont mis des milliers d'années à se mettre en place. La quantité de lumière émise par l'éclairage public aurait doublé en 20 ans et on ne parle pas des publicités lumineuses ou des vitrines éclairées. Et on sait comment les organismes vivants sont perturbés par cette lumière artificielle? Oui, on le sait, les halos lumineux visibles au-dessus des villes et des villages, mais aussi les lampadaires gênent les insectes, les mammifères et même les plantes. Ce qu'on constate, c'est une perturbation de fonctions vitales. C'est la croissance, c'est la reproduction, l'alimentation, la recherche du partenaire sexuel, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur les berges, que ce soit sur terre. Un éclairage nocturne d'une intensité équivalente à un éclairage de jour attire les insectes de façon très très importante. En particulier les insectes pollinisateurs, les papillons pollinisateurs, dont plus de 60% vont arrêter de polliniser les plantes de nuit, vont arrêter d'aller sur les plantes pour se nourrir. Ils vont aller vers la lumière où ils vont se faire manger par les chauves-souris qui tournent autour. Ne pollinisant plus les plantes en question, celles-ci vont avoir des problèmes pour se reproduire, donc la reproduction, la croissance des plantes va être altérée. Par répercussion, les insectes pollinisateurs diurnes, comme les abeilles par exemple, vont avoir moins à manger et vont se trouver aussi impactés. Vous voyez, finalement, c'est une cascade de réactions qui vient perturber tout un ensemble. Et aujourd'hui, samedi donc, que va-t-il se passer, Fabienne, pour ce jour de la nuit? Des rencontres un peu partout en France pour expliquer les mérites des belles nuits sans éclairage. Il va y avoir des conférences et des animations. Des milliers de communes sont déjà accompagnées par l'APCN. 12 000 éteignent les lumières en milieu de nuit, mais il faut aller plus loin. L'éclairage nocturne affecte les insectes, mais aussi les mammifères, les oiseaux et même les poissons. L'éclairage nocturne va les gêner comme ils nous gênent nous. Si on prend un flash de lumière au milieu de la nuit, ça risque d'entraîner une perturbation de notre sommeil en cours et ça peut aussi induire des modifications de trajectoire, aussi bien chez les poissons que chez les oiseaux. Pour prendre un exemple qui est assez emblématique, le saumon de la Loire. Voilà un poisson qui se reproduit en fond de rivière et qui doit descendre 8 à 900 km pour atteindre la mer. Et ce poisson, à chaque fois qu'il descend, si le cycle de lumière est altéré, cette programmation va être altérée. Quand il traverse une zone éclairée, quelle qu'elle soit, on va lui perturber sa migration verticale et on va lui perturber son activité motrice qui l'emmène vers la descente. Tout ça, ça a des conséquences sur l'arrivée du saumon en mer et donc sur la survie de l'espèce. Voilà une espèce qu'on comptait par milliers au début du 19e siècle et aujourd'hui ça se résume à quelques dizaines d'individus qui arrivent à remonter péniblement la Loire. Voilà, et tout cela est résumé sur le lien de la page Les Aventuriers sur franceinter.fr. Merci Fabienne Chauvière.